Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons croiser des tas d'animaux, des moutons, des lapins, des chiens. Tenez par exemple, en 1859, un colon britannique amateur de chasse s'installe en Australie avec dans ses bagages quelques couples de lapins. Les animaux se reproduisent et en très peu d'années, le pays est envahi de millions de ces mangeurs de carottes. Oui, le mignon lapin est devenu nuisible. Comment s'en débarrasser? L'Australie fait appel au grand savant français du moment, Louis Pasteur, celui qui a lutté contre la maladie du charbon qui frappe les moutons et contre la rage que transmettent les chiens. Pasteur envoie en Australie son neveu, Adrien, dont le patronyme évoque également un petit animal charmant, Loire, Adrien Loire. Qui est ce neveu du grand homme? Étonnant destin que celui d'Adrien Loire, car l'épisode australien n'est qu'un moment d'une vie consacrée à la science et aux soins. Un destin d'aventurier à parcourir le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Loire, dont la mémoire, à l'ombre de Pasteur, est restée longtemps endormie. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, nous nous penchons sur quatre figures de l'histoire du soin et de la médecine, du neveu de Pasteur au père de Marcel Proust et d'Avicenne dans la Perse médiévale à Angélique du Coudray, sage-femme enseignante, première sage-femme enseignante. Comment se construisent ces destins consacrés aux soins? Et aujourd'hui, nous nous intéressons au neveu de Louis Pasteur. Avec vous, Maxime Schwartz, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes biologiste moléculaire. Ça veut dire quoi, biologiste moléculaire? Oh, biologiste moléculaire, ça c'est une dénomination qui date des années 60 et c'est en fait le nom moderne de la biochimie. On essaye d'expliquer les phénomènes biologiques par des interactions entre molécules. Vous avez été directeur de recherche au CNRS, professeur à l'Institut Pasteur et ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences et Maxime Schwartz. Vous avez écrit avec Annick Perrault plusieurs ouvrages sur Pasteur, dont Pasteur et Koch, un duel de géants dans le monde des microbes qui a été adapté en docufiction sur Arte, c'était en 2018. Et puis, toujours avec Annick Perrault, d'un ouvrage intitulé « Le neveu de Pasteur ou la vie aventureuse d'Adrien Loire, savant et globe-trotteur ». Auteur, c'est paru chez Odile Jacob en mars 2020. Dites-nous, Maxime Schwartz, Adrien Loire est un personnage étonnant parce qu'il est inconnu. Et c'est vrai que je regardais dans un dictionnaire, un petit Larousse de base d'il y a quelques années maintenant, Adrien Loire n'apparaît pas. Qui est-il? Adrien Loire est en fait le neveu de la femme de Pasteur. Et il a été recruté par Pasteur parce que Pasteur a eu ce qu'on appellerait un AVC quand il avait 46 ans. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider au laboratoire. Et donc il a été recruté comme petite main, disons, par Pasteur. Et puis alors ensuite, il a fait toute une série de choses dont nous aurons l'occasion de parler. Mais il est resté complètement ignoré pour diverses raisons. La première, c'est qu'il a longtemps été considéré un peu comme une petite main, justement, par l'environnement de Pasteur, par ce qu'on a appelé, nous, les lieutenants de Pasteur, qui étaient des anciens élèves de l'école normale, des médecins, alors que lui n'avait aucun diplôme. Mais ensuite, bon, il a passé un doctorat en médecine, il a fait une carrière très étonnante, et puis il est arrivé, je ne sais si on en parlera, mais il est arrivé quelque chose dans sa vie, alors qu'il avait été marié plus ou moins par sa famille, avec une fille d'une amie de la famille, une famille amie. Il a divorcé de cette femme et il est parti avec la gouvernante des enfants et puis il s'est remarié avec cette autre femme. Et ça a été extrêmement mal vu à l'époque. Il a été rejeté par les pasteuriens, par sa famille, etc. Et donc c'est un peu pour ça qu'il a ensuite été complètement oublié. Maxime Schwartz, merci pour ce panorama d'un destin auquel vous consacrez un ouvrage, celui d'Adrien Loire. Personnage étonnant et toujours étonnant à l'ombre du grand homme, parce que l'homme en question est Louis Pasteur, quelqu'un qui nous écrase par l'image qu'il a laissée, qui a été construite ou qu'il a lui-même construite. Pasteur, évoqué dans plein de films, dans plein de documentaires, et notamment dans le documentaire Pasteur, 5 années de rage, un film réalisé par Luc Béraud. C'était en 1995 avec Bernard Fresson dans le rôle de Pasteur. Monsieur Vaughan, aucun doute, hélas. Votre chien avait la rage. La rage. Alors le petit est foutu. Il reste peut-être une chance. Vous connaissez Pasteur ? Depuis 4 ans, il cherche à guérir la rage. Il faut tenter le coup. C'est un pari terrible, Pasteur. Si l'enfant meurt, vos ennemis vont se déchaîner. Il ne s'agit plus d'un pari, monsieur. Si je ne fais rien, cet enfant va mourir d'une mort atroce. Allez-y. Je vous soutiendrai s'il le faut. Merci, monsieur le professeur. Bernard Fresson, dans le rôle de Pasteur, dans le documentaire Pasteur, 5 années de rage. Maxime Schwartz, il faut rappeler l'ampleur de la figure de Pasteur dans le monde des sciences à la fin du 19e siècle, au moment où son neveu, Adrien Loire, travaille avec lui. Pasteur est la sommité, une sommité, on va dire, presque logique, par ses découvertes, mais également une sommité construite. La République en fait le héros de la science. Oui, mais en fait, au moment où Loire arrive dans le laboratoire de Pasteur, il est déjà très connu, mais ça n'est pas encore la gloire universelle, disons, qu'il deviendra après la vaccination contre la rage. Mais il a fait déjà énormément de choses dans le domaine de la chimie, il a étudié les fermentations, il a été le premier à montrer que les fermentations étaient dues à des microbes et que chaque fermentation était due à un microbe particulier. Il a mis au point à ce moment-là ce qu'on a appelé la pasteurisation, c'était dans le cas du vin. Il avait montré que quand le vin devenait mauvais, qu'il se gardait pas, c'était parce qu'il y avait des mauvais microbes qui étaient là. Et il a montré qu'en chauffant un peu le vin, on éliminait ces mauvais microbes et le vin pouvait se conserver. Donc la pasteurisation a été inventée pour le vin. C'est d'ailleurs pas lui qui a donné le nom de pasteurisation, ce sont les Hongrois qui ont donné ce nom-là. Mais ensuite, on a utilisé la pasteurisation pour énormément de choses, comme vous le savez. Et puis il a sauvé l'élevage de la soie, parce que les vers à soie étaient atteint de maladies, et il a mis au point des méthodes d'hygiène qui ont permis d'éliminer ces maladies des élevages. Donc il était déjà connu pour tout cela. Il avait aussi fait quelque chose de très important, c'était d'avoir réfuté la génération spontanée. Parce que beaucoup de gens pensaient que quand un liquide se mettait à fermenter, eh bien les microbes apparaissaient spontanément dans les milieux. Et il a démontré que ça n'était pas le cas, et que les microbes venaient toujours de l'extérieur, et en général des poussières portées par l'air ambiant. Donc il avait déjà fait tout ça et il était très connu pour tout cela. Mais, disons, il est vraiment devenu très célèbre quand il a commencé à s'occuper des maladies contagieuses, des animaux en général pour commencer, et puis des vaccins. Pour les maladies contagieuses, il a fait un travail qui était un peu à la suite de celui de Robert Koch, son rival allemand. Et à eux deux, ils ont montré pour la première fois qu'une maladie des animaux, qui s'appelait le charbon, était due à un microbe particulier. C'était la première démonstration qu'une maladie contagieuse était due à un microbe. Puis ensuite, il s'est attaqué à essayer de protéger contre ces maladies contagieuses. Il avait l'exemple de Jenner, qui avait déjà un siècle précédent montré qu'on pouvait protéger contre la variole en inoculant une maladie des vaches qui s'appelait la vaccine, et qui ressemblait beaucoup à la variole. Et donc Pasteur se disait, Jenner ne savait pas que les maladies contagieuses étaient dues à des microbes, mais Pasteur, lui, l'avait compris. Et il a donc conclu que la variole devait être due à un microbe, et que la vaccine, ça devait être une forme atténuée du microbe de la variole. Alors il s'est dit, si c'est le cas, on doit pouvoir protéger contre d'autres maladies contagieuses si on arrive à atténuer les microbes de ces maladies. C'est là qu'il a commencé, d'abord avec une maladie des poules, qui s'appelle choléra des poules, puis avec le charbon, dont on va reparler tout de suite, et puis une maladie des porcs qui s'appelle rouget des porcs. Et dans le cas du charbon, il est arrivé à obtenir une forme atténuée du microbe du charbon, et il a montré que ce microbe protégeait contre le microbe virulent. Et il a fait ça au cours d'une expérience qui est restée célèbre, qui est l'expérience de Pouilly-le-Fort, où on lui a, un vétérinaire qui était d'ailleurs assez sceptique au départ, a mis à sa disposition 50 moutons. Il a, à la moitié, à 25, il a injecté son microbe atténué, et à l'autre moitié, il ne l'a pas injecté. Puis, quelques temps plus tard, aux 50 moutons, il a injecté du microbe virulent, et miracle, les 25 moutons vaccinés ont survécu, et les 25 moutons non vaccinés sont morts. C'est un résultat absolument stupéfiant. Dans le domaine de la biologie, c'est pas tous les jours. Donc, grâce à ça, il a convaincu une grande partie de l'opinion publique de la validité de sa théorie qu'on pouvait utiliser des microbes atténués pour protéger contre des microbes virulents. Les seuls qu'il n'avait pas convaincus, c'étaient les médecins, qui voyaient très mal ce chimiste, il l'a qualifié de chimiatre, s'occuper de maladies. Et c'est là qu'il a décidé de s'intéresser à la rage qui attaque évidemment les animaux, mais aussi les hommes. Quand on est mordu par un chien enragé, on va contracter la rage. Et c'est là qu'il a fait ses travaux sur la rage, auxquels la Loire va contribuer et qui vont lui apporter une gloire universelle. La gloire universelle de Pasteur est une gloire évidente, car la rage, il faut le rappeler, hein, depuis des siècles, depuis des millénaires, était une maladie qui était mortelle et quasiment obligatoirement mortelle. Donc c'est une vraie révolution dans la science. Mais Pasteur ne travaille pas seul. Et autour de lui, il y a monté toute une équipe. Alors dans cette équipe, on va retrouver celui que vous avez étudié, Maxime Schwartz. C'est son neveu, c'est Adrien Loire. Il y a d'autres personnes dont les noms d'ailleurs sont restés, ne serait-ce que par la toponymie urbaine. On retrouve, il y a des noms de rues qui portent ces noms-là, ces noms des assistants de Pasteur, des médecins, des gens qui travaille avec lui. Oui, mais nous en avons parlé dans notre livre qui s'appelle Les lieutenants de Pasteur. Bon, il y a eu d'une part Duclos, Émile Duclos, mais qui lui s'est pas trop occupé des problèmes de maladie. Et puis il y a eu Émile Roux, qui lui était le premier médecin recruté par Pasteur et qui a joué un rôle fondamental dans tous les travaux sur les vaccins. Et puis il y a Metchnikov qui est arrivé un peu plus tard, qui est celui qui a montré que qu'il existait des cellules dans notre sang, des globules blancs qui mangeaient les bactéries, il appelait les phagocytes, et c'est un élément essentiel de l'immunité qu'on a contre les microbes. Puis il y a ceux qui ont été un peu hors de France, qui ont été dans les colonies françaises, il y a eu Calmette et Yersin. Calmette qui a créé le premier institut qui existe encore aujourd'hui hors de France, ce qui était Saïgon, donc au Chimène-Ville, et qui ensuite, quand il est revenu à Lille, a inventé le BCG avec le vétérinaire Guérin. Et puis Yersin, qui lui était aussi parti en Extrême-Orient et qui a découvert le bacille de la peste à Hong Kong. Donc ça, ce sont les lieutenants les plus connus. Au moment de la rage, Loire était encore très jeune, il avait 22 ans, 23 ans au moment des travaux de la rage, donc il a été, dans ce cas-là, encore la petite main. Il a contribué, par exemple, parce qu'il s'est occupé du premier vacciné contre la rage, le fameux petit Joseph Meister. L'histoire est très connue de cet enfant qui a été amené d'Alsace par sa mère, qui a été gravement mordu par un chien enragé, et que Pasteur a décidé de faire vacciner. C'était une décision extrêmement difficile, parce qu'en fait, il n'avait pas encore tout à fait terminé ses expériences avec les chiens. Et justement, Maxime Schwartz, je vous propose d'écouter, et c'est une archive toujours émouvante, parce qu'elle est ancienne et qu'elle est rare, c'est une archive de 1938, où l'on entend Joseph Meister expliquer ce qui s'est passé en cette année 1885, quand il a été conduit devant ce monsieur barbu, Louis Pasteur, pour être vacciné contre la rage. C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. Comment le grand savant vous accueilla-t-il ? Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc en quelque sorte servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir aujourd'hui encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Témoignage de Joseph Meister en 1938 qui évoquait ce moment incroyable dans l'histoire où, pour la première fois, un être humain est vacciné contre la rage. Nous étions en 1885. Dites-nous, Maxime Schwartz, le neveu de Pasteur a un rôle, un statut particulier dans cet entourage. Vous commencez le livre que vous écrivez avec Annick Perrault, avec ce moment de 1868, l'AVC où Louis Pasteur perd l'usage d'une main. Et nous sentons dans le choix, quelques années plus tard, de recruter son neveu. Il a besoin d'avoir un homme de confiance autour de lui. Il y a cette volonté-là quand il fait appel à son neveu? Oui, parce qu'il a certes ses lieutenants, mais qui font chacun un peu leurs expériences dans leur coin, et il veut pouvoir continuer ses propres expériences. Or, il est en fait en grande partie paralysé du côté gauche, et il ne peut plus faire les expériences lui-même. Donc il lui faut quelqu'un pour l'aider. Bon, dans les premières années, il avait une autre personne qui s'appelait Gernèse, puis Gernèse est parti, et il lui fallait absolument quelqu'un. Or, ce petit neveu, il le connaissait très bien, puisque la famille Loire venait en vacances avec eux dans la maison d'Arbois, la maison familiale d'Arbois, où Pasteur passait ses vacances, mais aussi travaillait, il a un laboratoire là-bas. Donc il connaissait très bien Loire, il s'est occupé du fait qu'il ait une très bonne éducation, etc. Et donc il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'il l'a recruté quand il avait 20 ans, en ayant suivi ses études de très près avant cela. Et donc, quelle figure pouvait représenter cet oncle? C'est une figure écrasante. Maxime Schwartz, Adrien Loire a écrit un ouvrage, des souvenirs, intitulé, et le choix du titre est très lourd, « À l'ombre de Pasteur ». C'est ça aussi, la vie d'Adrien Loire, commencer à travailler dans l'ombre d'un grand homme, c'est merveilleux, parce que cela porte vers un beau destin, mais cela est écrasant aussi. Oui, vous le dites très justement, c'est-à-dire qu'il admirait beaucoup cet oncle, il a appris énormément auprès de lui, c'est lui qui a appris toutes les techniques pasteuriennes, mais en même temps, il avait conscience d'être un peu son accessoire, il était un peu son objet au départ. Et il aura énormément de mal à se libérer de ce carcan qui était renforcé par la famille elle-même, parce que sa mère, son père, donc sa mère c'était la sœur de la femme de Pasteur, et son père lui disait absolument, il faut que tu profites au maximum de tous les enseignements de Pasteur, tu as une chance extraordinaire de travailler dans son laboratoire, etc. Donc au tout début de sa vie, il a fait que suivre ce qu'on lui disait, ce que lui disait Pasteur, ce que lui disait sa famille. Mais il faut bien voir que dans les premiers travaux, par exemple, quand il est parti avec Pasteur et un autre qui s'appelle Thuillier pour étudier la maladie, le rouget du porc, à ce moment-là, il fallait à la fois qu'il soit un peu l'assistant dans les expériences, mais en même temps c'était lui qui aidait Pasteur à s'habiller, à mettre sa cravate, etc. Donc il était à la fois le valet de chambre, si vous voulez, et puis l'assistant pour les expériences. Donc il était complètement sous la coupe de Pasteur dans les premières années. Et puis ce jeune homme observe ce qui se passe et son témoignage est essentiel. Je vous propose, Maxime Schwartz, l'extrait d'un docu-fiction, un documentaire intitulé « Pasteur et corps », un duel de géants dans le monde des microbes. C'est un documentaire qui a été réalisé à partir de votre ouvrage écrit avec Annick Perrault, « Pasteur et corps », voilà, un duel de géants, c'était le même titre. Et ce documentaire est réalisé par Mathieu Schwartz. Il y a un lien de famille, j'imagine. Oui, c'est mon fils aîné. Donc des histoires de famille, il y a l'oncle, le neveu, il y a le papa, voilà. Et il y a le fils, Pasteur et corps. On est à une époque où l'éthique n'existe pas. Et Pasteur s'invente une éthique à lui. Proposer de donner des remises de peine aux condamnés à mort en leur donnant à boire du vibrillant colérique était quand même quelque chose difficile à accepter. D'ailleurs, l'empereur du Brésil, Pedro, a refusé de faire cette expérience. Thank you. J'espère que vous savez ce que vous faites, monsieur Pasteur. Nous sacrifions une cinquantaine de moutons. Non, monsieur Rossignol. Vous n'en sacrifiez que la moitié. L'autre moitié sera vaccinée et sauvée par la vaccination. Nous verrons bien. L'expérience de Pouilly-le-Fort est un coup de poker incroyable. Personne ne referait une expérience comme ça. Devant la presse, devant la population, il vaccine des animaux. Il aurait pu très bien perdre sa réputation, parce que des expériences comme ça peuvent foirer, en quelque sorte. Il l'a faite quand même. Maxime Schwartz, la figure de Pasteur qui prend sous son aile son jeune neveu Adrien Loire est une figure touchante, mais il arrive un moment où il y a une limite dans le sens où le jeune homme voit tout ce qui se passe. Et il faut rappeler combien Pasteur est au centre de polémiques intenses. On les imagine plus aujourd'hui parce que Pasteur est reconnu comme le grand savant, le grand homme. Pasteur est très critiqué, ses méthodes sont critiquées. Alors, on ne sait pas ce qui se passe en coulisses. Adrien Loire, lui, le voit. C'est bien plus tard qu'il parle de tout ça. Oui, il a raconté des choses dont il est le seul à avoir parlé. Il y a la fameuse histoire de cet enfant rouillé qui était venu pour se faire vacciner contre la rage et qui finalement est mort. Et son père a porté plainte en disant que c'était Pasteur qui l'avait tué. Il faut bien voir qu'il y a quand même quelque chose d'assez étonnant dans la vaccination. C'était une vaccination en plusieurs étapes où on inoculait, en fait, le vaccin, c'était de la moelle de lapin qui était mort de rage. Et on conservait donc comme ça le virus par transfert de lapin en lapin. Et donc on prenait la moelle du lapin enragé, on la laissait sécher au bout de 15 jours, et si on l'injectait, ça ne donnait pas la rage. Mais si on prenait de la moelle de lapin qui n'avait pas du tout séché, elle donnait la rage. Bon. Et ce qui était fait, c'était qu'on commençait par injecter de la moelle complètement séchée, donc qui ne donnait pas la rage, et puis le lendemain, une moelle qui était un peu moins séchée, qui avait séché un jour de moins, donc c'était 14 jours, puis 13 jours, etc. Et la dernière inoculation, c'était une moelle qui avait séché une seule journée, qui en fait devrait donner la rage. Donc si la vaccination ne marchait pas, eh ben on pouvait tuer avec la dernière inoculation. Alors Pasteur avait déjà vu dans le cas des chiens que c'était pas le cas, c'est pour ça qu'il s'est essayé chez les enfants, mais je pense que le père du jeune rouillé imaginait que c'était Pasteur avec son vaccin qui avait tué son enfant. Et là, en fait, il semble bien que l'enfant était bien mort de la rage. Il y a une analyse qui a été faite de son cervelet. Et Loire racontait toujours, se souvenait, c'est lui qui avait été chercher le cervelet de l'enfant mort et l'avait traversé Paris pour l'apporter au laboratoire. Et Roux a fait l'expérience et a montré que ce cerveau contenait le virus de la rage. Pasteur n'était pas là, il était en Italie à ce moment-là. Bon, alors ça, c'était catastrophique parce que on aurait dit ça aurait mis complètement en cause la vaccination, on pouvait tuer avec le vaccin, etc. Donc il y a eu un faux témoignage, semble-t-il, qui a été fait par Roux et un autre médecin à l'Académie de médecine en disant que l'enfant n'était pas mort de la rage, mais qu'il était mort du rémi, il avait reçu en fait un coup de pied d'un camarade dans le rein. Donc il y a eu, semble-t-il, un faux témoignage qui était en fait destiné à sauver toute l'histoire des vaccins. Dans les faits, on ne sait pas exactement si l'enfant est mort de la rage parce que le vaccin n'avait pas marché ou si c'est à cause du vaccin. Il paraît probable, d'après des choses qui ont été regardées de près dans les cahiers de laboratoire, que c'était en fait que le vaccin n'avait pas marché, simplement. Et est-ce que Pasteur a été au courant du faux témoignage? Ça, on ne le sait pas clairement. Il a été au courant du fait que cet enfant était mort de la rage, enfin après le vaccin, mais on ne sait pas exactement ce qu'il a su de tout ça. Alors voilà, donc quelque chose que Loire a raconté, qui n'avait jamais été raconté avant, qui paraît vraisemblable, et il a écrit ça dans son fameux livre « À l'ombre de Pasteur » à la fin de sa vie. Et ce livre a été complètement interdit à l'Institut Pasteur. À ce moment-là, c'était Louis Pasteur-Valéry Radeau, qui était lui le petit-fils de Pasteur, était au conseil d'administration. Et il a fait en sorte que le livre soit pas accessible à l'Institut Pasteur. Et semble-t-il, il a empêché même qu'il soit accessible dans les bibliothèques parisiennes. Je sais pas comment il a fait. Donc, en fait, Louis Pasteur-Valéry Radeau a été de ceux qui ont tout fait pour faire oublier Loire à la fin de sa vie. C'est très, très étonnant. Ben, vu que nous parlons de cela, Maxime Schwartz, il faut le dire, hein, cet ouvrage À l'ombre de Pasteur, donc, qui est un ouvrage publié en 1938, quelques années avant la mort d'Adrien Loire en 1941, cet ouvrage, aujourd'hui encore, est difficile à trouver. Et je ne vais pas vous cacher que j'étais étonné en regardant sur Internet, nous trouvons quand même beaucoup de traces d'ouvrages, et que ce soit par Gallica, par Google Books ou par mille autres manières, nous trouvons souvent des traces, mais ce livre-là n'est pas facile à trouver en fait, alors que le témoignage d'Adrien Loire est essentiel parce que c'est vraiment un témoignage de premier ordre de quelqu'un qui a assisté à la découverte du vaccin contre la rage. Il était vraiment dans les coulisses, au plus près de Pasteur. Oui, alors, bon, d'une part, il n'a jamais été réédité, donc effectivement, il est très difficile à trouver. Cela dit, il faut quand même le prendre avec des pincettes, c'est-à-dire qu'il y a certainement du vrai et du pas vrai dans cet ouvrage. Et il y a certains aspects qui sont pris par les... Il y a des gens qui sont des anti-pasteurs et qui prennent des éléments de ce livre pour attaquer Pasteur et qui sont probablement des faux témoignages. Il faut bien voir que Loire, il a écrit ça 50 ans après les fêtes, donc il peut quand même avoir oublié un certain nombre de choses. Et, donc il ne faut pas complètement le prendre au pied de la lettre, mais c'est un document quand même effectivement très important. Quand on est le neveu de Pasteur et que l'on travaille avec le grand homme, il arrive un moment où sans doute il est nécessaire de s'envoler, de prendre son propre chemin. Maxime Schwartz, comment a fait Adrien Loire pour réussir lui-même à construire son propre destin, sa propre carrière ? Mais alors, sa carrière a été absolument fantastique. Ça a commencé finalement par une courte mission à Saint-Pétersbourg. C'était après les vaccinations, donc les premières vaccinations contre la rage, et 19 paysans russes qui avaient été gravement mordus par un loup enragé ont été envoyés au laboratoire de Pasteur pour être vaccinés. Donc ils l'ont été, il y en a trois qui sont morts rapidement, les autres ont été sauvés, ils sont revenus chez eux, et à la suite de ça, le tsar était très très reconnaissant. Et il a envoyé quelqu'un de sa famille, qui était le prince d'Oldenbourg, à Paris, au laboratoire de Pasteur, d'abord pour apporter un gros chèque pour la construction de l'Institut Pasteur, un magnifique vase qui est toujours visible au musée Pasteur. Et puis, le duc d'Oldenbourg est reparti avec un lapin qui avait été inoculé de rage pour pouvoir faire des vaccinations localement à Saint-Pétersbourg, pour pas être obligé d'envoyer les gens mordus à Paris. Et donc il a commencé à faire ça, mais avant de s'y mettre, il s'est dit qu'il avait quand même besoin de l'œil de quelqu'un qui connaissait la technique, et il a demandé à Pasteur d'envoyer quelqu'un, et Pasteur a envoyé Loire, Adrien Loire, qui était donc encore très jeune, c'était en 86 ceci, donc il avait 24 ans, pour regarder ça de près. Et Loire, bon, a participé aux choses. Il a fait comprendre au duc de Dunebourg qu'il fallait vraiment un laboratoire un petit peu plus correct, parce que ça s'était fait plus ou moins dans les écuries de la garde impériale. Et à la suite de ce passage de Loire, le duc d'Oldenbourg a créé un véritable laboratoire antirabique qui a été à l'origine de ce qui est aujourd'hui l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. Et il est resté que 15 jours là-bas, Loire, mais c'est la première fois qu'il a été loin de Paris, loin du regard de Pasteur. Il est aussi pris du bon temps avec les princes qui faisaient la fiesta sur les bords de la Neva, etc. Donc ça a été une première prise de liberté, disons, très courte. Mais là où il a vraiment pris son indépendance, ça a été dans l'étape suivante, quand il est parti en Australie, envoyé par Pasteur pour essayer de lutter contre les lapins qui faisaient des ravages terribles. Alors, on parlait pas encore d'Australie, c'était les Nouvelles-Galles du Sud, c'était une des provinces de l'Australie. Et bien justement, Maxime Schwartz, je vous propose d'aller en Australie. Oui, un petit tour en Australie au son du didgeridoo avec une musique de Xavier Rudd dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Nasser Moussaoui. Thank you. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Maxime Schwartz, nous nous trouvons en Australie avec Adrien Loire, le neveu de Pasteur. Donc Adrien Loire se trouve en Australie pour une nécessité, mais qui est vraiment un véritable problème pour ces gens d'être envahis par des lapins. Donc il faut trouver une solution et on a pensé à faire appel à Pasteur, alors qui soigne les gens, et on se dit il va pouvoir éliminer les lapins. Oui, c'est pas vraiment les Australiens qui ont fait appel à Pasteur, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a passé une annonce en disant qu'il recherchait un moyen d'éliminer les lapins. Et Pasteur a eu connaissance de cette annonce et il a eu l'idée qu'on pourrait utiliser un microbe pour se débarrasser des lapins, parce que comme les lapins, ça se multiplie très vite, il s'est dit, il faut un poison qui se multiplie encore plus vite qu'eux, et en l'occurrence, les produits chimiques, ça va pas suffire, il va falloir des microbes. Et il avait un microbe qu'il avait étudié, qui est le microbe du choléra des poules, ça n'a rien à voir avec le choléra humain, et qui aussi attaquait les lapins. Donc il s'est dit ça pourrait bien marcher. Il a commencé par envoyer Adrien Loire chez Madame Pommery, celle qui possédait le champagne, qui avait des gros problèmes avec les lapins qui détruisaient ses caves. Loire a été envoyé là-bas, il a déposé son microbe sur la luzerne que mangeaient les lapins, et tous les lapins de la propriété ont disparu en quelques jours. Donc Pasteur s'est dit, si ça marche chez Madame Pommery, ça va marcher en Australie. Bon, il n'avait pas tout à fait conscience que c'était pas les mêmes dimensions de territoire, disons. Donc il envoie Loire là-bas. Le voyage dure 2 mois. Naturellement, il y avait l'accord des autorités là-bas. Le voyage dure 2 mois. Et quand il arrive, eh bien, il se rend compte qu'on ne veut absolument plus qu'il fasse cette expérience. Bon, il y avait des tas de raisons, des raisons financières, parce que les éleveurs touchaient des primes parce qu'ils éliminaient les lapins, donc ils voulaient pas perdre leurs primes. Il y avait les gens qui gagnaient de l'argent pour l'élimination des lapins, qui voulaient pas perdre leur argent. Il y avait des gens qui avaient peur du mot choléra, se disant on va nous donner le choléra. Enfin, il y avait plusieurs raisons. Et donc, il n'est pas arrivé, après plusieurs semaines, plusieurs mois, on n'a pas voulu le laisser faire son expérience d'élimination des lapins. On lui a quand même mis à sa disposition un petit îlot dans la baie de Sydney, qui s'appelle Rhode Island, R-O-2-D, c'est pas comme Rhode Island aux États-Unis. Et pour qu'il puisse un peu faire ses expériences, mais on a mis tout sous des grilles pour éviter que le microbe éventuellement s'envole via les oiseaux, etc. Mais on l'a pas laissé faire ça. Et alors Pasteur était absolument furieux à l'autre bout. Il faut dire que c'était compliqué parce que les échanges épistolaires, ça durait 6 semaines dans chaque sens. Donc quand Pasteur recevait des informations, il s'était déjà passé beaucoup de temps. Donc au bout du compte, ça va se solder par un échec, ces essais d'élimination des lapins. En fait, ça n'aurait sans doute pas marché pour beaucoup de raisons. Même par la suite, les Australiens ont essayé d'autres, des virus, le fameux virus de la myxomatose, ça a permis d'éliminer pendant un certain temps les lapins, puis ils sont revenus. Mais heureusement, pendant qu'il était en Australie, Loire a fait des choses tout à fait extraordinaires. La première, ça concernait une maladie des bovins et des ovins qui s'appelait le Cumberland Disease. Cumberland, c'était une région d'Australie. Et il a démontré que ce Cumberland Disease, c'était en fait le charbon, cette maladie qu'on connaissait déjà bien en Europe. Ça a été une première étape très importante. Mais alors du coup, si c'était le charbon, Pasteur avait mis au point son vaccin contre le charbon dont il avait montré l'efficacité à Pouilly-le-Fort. Donc on pouvait utiliser un vaccin pour protéger les ovins et les bovins australiens. Et Adrien Loire a réédité finalement Pouilly-le-Fort en Australie, et il a convaincu les éleveurs australiens de l'intérêt de ce vaccin, qui ensuite a été utilisé très largement et a sauvé des millions d'animaux en Australie. Et puis il s'est attaqué ensuite à une autre maladie, la péripneumonie contagieuse bovine. Et là, c'est assez intéressant d'ailleurs par le parallèle qu'il y a avec ce qui se passe actuellement avec le coronavirus. En fait, c'est une maladie qui se transmet par la toux des animaux, donc exactement comme le coronavirus. Et c'est une vache qui avait été importée d'Angleterre qui s'est trouvée être contaminée par les microbes de cette maladie. et qu'on ne savait pas à ce moment-là, elle était asymptomatique, disons, et elle a contaminé les animaux qu'elle a rencontrés, et puis très rapidement, tout le continent a été infecté par ce virus. Et bon, à nouveau, Loire s'est débrouillée pour développer un système de vaccin qui est assez intéressant. On vaccine avec le virus en injectant dans la queue de l'animal, et ça les protège ensuite. Et là encore, il a sauvé des millions de bovins en Australie. Donc il a fait une œuvre considérable en Australie qui a été extrêmement appréciée là-bas. Adrien Loire est-il encore dans la mémoire de l'Australie? Nous sentons qu'il est le représentant de Pasteur en Australie. C'est lui qui sera en Australie. C'est lui qui fait des avancées majeures. Est-ce qu'il est resté encore dans les mémoires? Écoutez, peut-être pas tellement. Ce qui est assez intéressant, ce fameux Rhode Island, le petit îlot dans lequel il a fait ses expériences, a été rendu sert de parc public, enfin un endroit où on peut faire des fêtes, des mariages et des choses comme ça. Et il y a des panneaux sur ce petit îlot qui rappellent la venue de Loire, l'envoyé de Pasteur, mais on n'y rappelle pas assez curieusement cette œuvre considérable sur le charbon et sur la péripneumonie contagieuse bovine. Qu'est-ce qu'on rappelle? On rappelle qu'il a pas pu éliminer les lapins, ce qui est quand même négatif. Et puis on rappelle autre chose qui est assez amusant, c'est qu'il a rencontré Sarah Bernhardt. Ça, c'est une chose bon que les gens ne savent pas, qui est assez intéressante. Il se trouve que Sarah Bernhardt est venue faire une tournée en Australie, dans différentes provinces d'Australie. Et quand elle est arrivée, elle a eu un gros problème parce qu'elle venait avec des chiens qu'elle adorait, deux petits chiens, enfin un petit et un gros. Et on lui a dit, on n'est pas question que les chiens mettent le pied sur le continent. On veut se protéger contre la rage et donc il fallait mettre les chiens en quarantaine sur une île qui était assez loin de Sydney. Et ben, c'est là que Loire a commencé à s'en mêler. On dit, bon, Sarah Bernhardt, c'est elle, venait de France, la rage, il connaissait. Et il s'est débrouillé pour que son îlot soit considéré comme un lieu de quarantaine annexe. Et donc, on a pu mettre les chiens de Sarah Bernhardt sur son petit îlot. Et elle pouvait donc, comme ça, venir visiter ses chiens. Mais à cette occasion-là, il a donc fait la connaissance de Sarah Bernhardt. Et il semble qu'il y ait eu une idylle assez chaude entre eux. Sarah Bernhardt lui a dit venez me voir, venez dîner avec moi après les spectacles. Alors Loire allait tous les jours au spectacle de Sarah Bernhardt. Ensuite, il allait dîner avec elle dans le grand hôtel où elle habitait. Mais vu l'heure à laquelle se passait le dîner, il était exclu qu'il puisse rentrer dans son îlot avant le matin. Donc il passait en fait toutes ses nuits là-bas, et on peut imaginer ce qui s'y passait, quoi. Donc et même à la fin de la tournée de Sarah Bernhardt, il semble qu'elle ait annulé sa dernière semaine de tournée pour pouvoir passer cette semaine-là avec Adrien Loire dans son petit îlot. Donc, tout indique que Adrien Loire a été l'amant de Sarah Bernhardt pendant sa visite en Australie. Et il faut rappeler quelle vedette était Sarah Bernhardt. C'est vrai que c'était incroyable, Sarah Bernhardt comme nom à ce moment-là. Adrien Loire se trouve donc en Australie, il représente Pasteur. Je vous propose, Maxime Schwartz, d'écouter la lecture d'une lettre de Pasteur. Pasteur qui écrit à un de ses amis d'Arbois, dans le Jura, Jules Vercel. Pasteur qui est lu par Sacha Guitry. Mon cher Jules, nous nous félicitons avec toi et tous les vôtres des bonnes nouvelles que tu nous donnes sur l'avenir de ton fils. Certainement, avec l'extension donnée à la demande, vous réussirez, et le retour dans le Jura se fera plus tard aisément comme tu le prévois. J'ai, d'autre part, mes nouvelles expériences sur la rage, soumises en ce moment à la commission dont j'ai demandé l'an dernier la nomination pour les contrôler. Cela durera quelques mois. Je démontre cette année qu'on peut vacciner ou rendre réfractaires à la rage les chiens après qu'ils ont été mordus par des chiens enragés. Je n'ai pas encore osé traiter des hommes après morsure par chien rabique, mais le moment n'est peut-être pas éloigné. Et j'ai grande envie de commencer par moi, c'est-à-dire de m'inoculer la rage pour en arrêter ensuite les effets, tant je commence à m'aguerrir et à être sûr de mes résultats. Bien à toi, mes respects à Madame Vercel, Pasteur. Et pour terminer, voici cette phrase émouvante du grand savant. Je crois invinciblement que la science et la paix triompheront de l'ignorance et de la guerre, et que les peuples s'entendront non pour détruire, mais pour édifier. Sacha Guitry qui lit une lettre de Pasteur, et nous sentons bien dans cette lettre cette volonté d'avoir une action internationale. Et dans votre ouvrage, hein, Maxime Schwartz, que vous avez écrit avec Annick Perrault, vous avez sous-titré l'ouvrage « Le neveu de Pasteur, la vie d'un savant et d'un globe-trotteur ». Globe-trotteur parce que Adrien Loire parcourt le monde, alors pas juste pour le plaisir, non, pour la science, parce que il se rend à différents endroits, toujours dans la même volonté, c'est-à-dire créer des instituts Pasteur. Bien, en fait, alors en Australie, dans son petit îlot, il a appelé ça l'Institut Pasteur d'Australie. Bon, cet Institut Pasteur n'a survécu que quelques années au départ de Loire, parce que Loire est rentré, parce qu'il a fait deux retours en France, et à son deuxième retour, en quelques semaines, il a passé son doctorat en médecine, il s'est marié, et puis il est revenu en Australie. Et puis sa femme ne s'est pas plu du tout en Australie, donc ils ont dû rentrer, et c'est pour ça qu'il a abandonné. Mais il avait laissé sur place un Institut Pasteur d'Australie qui n'existe plus aujourd'hui. Et peu après son retour, il a été envoyé dans un autre pays, c'était la Tunisie. Et là, bon, les problèmes initiaux étaient des problèmes de vinification auxquels il s'est intéressé. Il s'est aussi intéressé à plusieurs problèmes de santé publique. Il a eu un rôle majeur dans la lutte contre la variole dans ce pays-là. Il a essayé de rendre la vaccination contre la variole obligatoire, mais il n'y est pas arrivé parce que ça n'était pas encore le cas en France. On ne pouvait pas instaurer une obligation avec éventuellement des punitions, disons, aux Français qui étaient en Tunisie et qui n'existaient pas en métropole. Mais il a fait énormément de choses en Tunisie et il était à l'initiative de la création de ce qui est aujourd'hui l'Institut Pasteur de Tunis. Alors à l'époque, c'était une toute petite institution, mais par la suite, quand il a quitté la Tunisie, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui était Charles Nicolle, qui lui a donné un développement considérable à cet institut, et il a d'ailleurs eu le prix Nobel pour la découverte du rôle du pouls dans la transmission du typhus. Maxime Schwartz, vous citez Charles Nicolle. Charles Nicolle qui a un jugement très sombre sur son prédécesseur à l'Institut Pasteur en Tunisie. Il dit des choses assez dures hein, sur Adrien Loire. Comment on peut le comprendre en fait? Il y a des jalousies professionnelles ou alors cela évoque juste une réalité? Oh, jalousie professionnelle, je ne crois pas. Bon, Nicolle n'est pas toujours tendre, il n'est pas aimé de tout le monde. Hein. Mais c'est un fait que ce qu'il a trouvé en arrivant à Tunis n'était pas un magnifique institut flamboyant. Il y avait quelques salles. En plus, bon, il y avait eu un événement. En fait, Loire a été victime d'un attentat. Enfin, il y a toute une histoire compliquée. C'était après qu'il ait quitté sa femme, enfin il a quitté sa femme à ce moment-là, et donc il est parti et il a laissé sur place en fait la personne qui avait fait un attentat contre lui et qui était pas très recommandable. Et donc quand Charles Nicolle est arrivé, ça faisait déjà 18 mois qu'Adrien Loire était parti et le laboratoire était certainement dans un état catastrophique. Mais bon, il y avait, si vous voulez, c'est vrai que l'Institut n'était pas dans un très bon état, mais en même temps, il ne reconnaît pas le fait que c'est sous le régime, disons, d'Adrien Loire que l'Institut Pasteur de Tunis a été créé officiellement. Et nous avons quand même avec Adrien Loire une vie épique parce que à vous écouter Maxime Schwartz, nous sentons sans cesse qu'il y a la démarche scientifique, le travail pour développer la science dans le monde, développer des instituts Pasteur, et puis aussi il y a une vie aventureuse, et cette vie aventureuse lui joue des tours. Alors bien sûr, nous pourrions considérer que nous sommes en marge de l'histoire du soin, mais ça a une incidence majeure, c'est que cette vie aventureuse explique pourquoi aujourd'hui Adrien Loire, le neveu de Pasteur, est oublié. Oui, c'est en grande partie à cause de cela. Donc c'est en Tunisie que finalement il y a eu la séparation avec sa femme et qu'il est parti avec une gouvernante, Hélène de Montès. Et après, il était donc complètement rejeté par les pasteuriens. Mais cependant, peu de temps après qu'il soit rentré, il se trouve que les Anglais ont eu besoin d'envoyer quelqu'un en Rhodésie du Sud où il y avait une épidémie de rage. Et à qui s'adresser d'autres pour lutter contre la rage que l'Institut Pasteur. Alors l'Institut Pasteur, ben, il voulait pas envoyer Adrien Loire, il avait coupé les ponts avec lui, mais ils ont fait un truc un peu tordu pour le faire envoyer par l'Institut Pasteur de Lille, dont Calmette était le directeur à ce moment-là. Donc il est parti en Australie, mais dans des conditions du point de vue personnel assez extraordinaires, parce qu'il avait sa maîtresse finalement, il n'était pas divorcé, il avait sa maîtresse, en fait, sa maîtresse, elle était enceinte de 8 mois et demi. Eh bien, ils sont partis tous les deux malgré tout pour un voyage qui durait quand même lui aussi de l'ordre de 6 semaines. Elle aurait pu accoucher en bateau. Bon, ils ont pris le bateau jusqu'au Cap, ensuite un train qui les a emmenés jusqu'à Rhodésie du Sud, qui est aujourd'hui le Zimbabwe, dans la ville de Bulawayo, et elle a accouché 4 jours après l'arrivée en Rhodésie du Sud. Donc c'est vous dire les conditions dans lesquelles ils étaient. Cela dit, en Rhodésie du Sud, en dehors de ses aspects personnels, il a fait des choses encore tout à fait étonnantes. Il n'y est resté que 6 semaines, mais d'abord il a confirmé qu'il y avait la rage, il a mis au point la vaccination, il a dit quelles étaient les mesures à prendre contre les chiens, etc. Et puis il a fait des tas d'autres choses. Par exemple, ce qui est amusant, c'est qu'un gros problème qu'il y avait là-bas, c'était les termites. Les termites qui bouffaient tout. On voit une photo dans le livre d'une énorme termitière qui avait été construite en quelques jours dans la maison d'un avocat. Les termites avaient bouffé tous les papiers de l'avocat. Et donc il a montré qu'on pouvait se débarrasser des termites en envoyant du gaz sulfureux dans les termitières. Bon. Il s'est aussi occupé d'autres problèmes. Il y avait les gens qui travaillaient dans les mines, parce que si les gens étaient intéressés, enfin si les Anglais allaient en Rhodésie du Sud, c'était à cause des mines, notamment des mines d'or. Et il y avait des problèmes de santé sévères des indigènes qui travaillaient dans ces mines. Et Adrien Loire a compris que c'était des problèmes d'alimentation, de carence. Alors, on savait pas si c'était le beriberi ou le scorbut, parce qu'à l'époque, on faisait pas vraiment la différence. Et il a expliqué qu'il fallait nourrir autrement les personnes qui travaillaient dans les mines. Donc il a fait énormément de choses en 6 semaines. Et là, comme tous les endroits où il est parti, il a été extrêmement apprécié et son départ était profondément regretté. Et ça n'a pas été les fins de ses aventures. Non, mais non, c'est ça. C'est-à-dire que Adrien Loire a une vie d'aventure qui peut gêner d'ailleurs dans sa famille. C'est surtout ses aventures sentimentales qui posent problème, alors qu'il participe pleinement de l'ambition de Pasteur et de ceux qui accompagnent ces idées-là de dire il faut développer les instituts Pasteur dans le monde. Nous allons écouter une archive de 1947. C'est une visite de l'Institut Pasteur à travers la voix de Valérie Radeau. Le professeur Pasteur Valérie Radeau de l'Académie française, de l'Académie de médecine, professeur de clinique médicale à la faculté de Paris, a bien voulu venir devant notre micro. Le professeur est le petit-fils de Pasteur et le dernier descendant du grand savant. Puis-je vous poser une question? L'Institut Pasteur a-t-il des filiales hors de France? Certes, l'Institut Pasteur a des filiales. Dès que l'Institut Pasteur fut fondé, Pasteur songea à envoyer des missionnaires dans le monde pour enseigner et développer la science nouvelle, et pour rendre service aux nations qui s'adressaient à la France afin de combattre les épidémies et les épizooties. Yersin, Calmette, Adrien Loire furent parmi ses premiers missionnaires. Calmette fonda en 1890 un laboratoire, bientôt devenu un institut, à Saïgon. Depuis, les instituts pasteurs de notre empire n'ont fait que se développer. Monsieur Noël Bernard a organisé 4 instituts en Indochine, qui sont parmi les plus belles réalisations de notre œuvre civilisatrice et ont rendu d'inappréciables services. Maxime Schwartz, quand nous entendons une archive comme ça, quand nous entendons surtout ce nom Valérie Radeau, il faut tout de suite rappeler que nous sommes dans des histoires de science et de famille. Oui, Pasteur Louis Pasteur Valérie Radeau est le petit-fils de Pasteur et le dernier descendant direct de Pasteur. Il a été le président du conseil d'administration de l'Institut Pasteur pendant de nombreuses années. Et quand moi j'ai commencé ma carrière en 1963, c'était Pasteur Valérie Radeau qui était le président du conseil d'administration. Et donc, dans ces histoires de famille, c'est vrai qu'il y a aussi, pour Adrien Loire, une difficulté de trouver sa place, notamment après le scandale qu'a provoqué... c'est même pas une liaison, en fait, c'est une histoire d'amour. Oui, et en fait, il y a eu une des raisons pour lesquelles Loire a été oubliée, c'est que Pasteur Valéry Radeau, qui a fait énormément pour la mémoire de Pasteur, il a réuni toutes les œuvres de Pasteur dans une série de tomes, il a réuni la correspondance de Pasteur, etc., mais il considérait que c'était lui qui était le dépositaire de la mémoire de Pasteur. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas du tout apprécié quand Adrien Loire s'est permis de faire à l'ombre de Pasteur, qui raconterait autre chose, qui déviait un petit peu de l'image, disons, magnifique que Pasteur Valéry Radeau voulait donner de son grand-père. Donc ça, c'est certainement été une raison. Bon, Loire, bon, après la Rhodésie, on va pas entrer dans les détails, mais il a été ici en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, il a été au Canada, et puis il a terminé sa carrière au Havre. Mais en fait, c'est très étonnant qu'il soit resté si peu connu, parce qu'il a été le seul de l'entourage de Pasteur à porter la science pasteurienne sur 5 continents, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Il n'a pas été en Asie, là. Calmette et Yersin y ont été, mais enfin, on a vu, il était en Europe, il était en Australie, il était en Afrique, il a été en Amérique du Sud, il a été en Amérique du Nord, donc c'est quand même tout à fait extraordinaire. Et lui, même s'il a été rejeté par la communauté pasteurienne, il a lui été d'une fidélité absolue à Pasteur, à la mémoire de Pasteur, il faisait des conférences sur Pasteur partout, etc. Et puis, de toute façon, Maxime Schwartz, pour évoquer non pas seulement sa mémoire, mais déjà sa vie et son destin, il y a votre ouvrage écrit avec Annick Perrault, Le neveu de Pasteur, ou La vie aventureuse d'Adrien Loire, savant et globe-trotteur. Dites-moi, Maxime Schwartz, la vie de savant est forcément intéressante parce qu'elle nous permet de traverser ces avancées de la science offertes par Pasteur et puis par ceux qui l'entourent. La vie de globe-trotteur aussi est intéressante. Oui, oui, c'est pour ça. C'était un être exceptionnel et très injustement oublié. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de nous l'avoir présenté aujourd'hui dans le cours de l'histoire. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Eilig et une émission préparée par Antoscan Biudès, Marion Dupont, Camille André, avec une programmation assurée par Amélie Perrault. Demain, nous continuons à explorer ces grandes figures de l'histoire de la médecine et du soin avec Angélique Ducoudray, première sage-femme enseignante, c'est au XVIIIe siècle. Et puis, nous allons évoquer ce monde très particulier de la féminisation des métiers du soin. À demain.